Alors, merci beaucoup. Donc, je vais remercier effectivement les organisatrices et organisateurs, en particulier Martial, de m'avoir invité à cette journée et de m'avoir en fait permis d'opérer ce que les ethnologues finalement appellent une revisite de leur terrain d'enquête, cette revisite me permet de revenir à la fois un peu sur les liens entre coaching et religion, mais aussi davantage sur la centralité de la question du travail sur soi dans le coaching. Et de dialoguer, enfin d'initier un dialogue en tout cas avec la sociologie des institutions, puisque ce n'était pas prioritairement l'angle que j'ai utilisé dans ma thèse, puisque donc je vais vous expliquer, c'est dans mon travail de thèse que j'ai travaillé sur le coaching. Alors, un petit mot de présentation sur le coaching, parce que là aussi, hein, on est en décalage avec l'objet religieux, puisque le coaching en entreprise, c'est une prestation de service, d'accord ? Donc comme je vous ai mis, qui consiste en fait en une dizaine d'entretiens individuels, confidentiels et réguliers, entre un consultant coach, qui est en général externe à l'entreprise, même s'il y a quelques coachs qui sont salariés des grandes entreprises, mais la plupart travaillent quand même de manière externe, et un coaché qui est en général un cadre supérieur, hein, des grandes entreprises, même si ça, c'est censé se diffuser, c'est quand même le cœur de cible, c'est celui-là. Alors le coaching, vous allez voir, il est défini comme l'accompagnement de personnes pour le développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels. Alors je vous ai mis une définition des acteurs qui est la définition de la Société française de coaching, donc la plus ancienne association professionnelle de coach en France. C'est une définition qui est relativement stabilisée et vous voyez, elle date de 2001. Et qui subsume un peu l'ensemble des définitions, parce qu'il y a des définitions multiples du coaching, mais finalement on va retrouver un peu toujours ces mêmes termes. Et donc je vous les donnais aussi pour vous montrer que la question du travail sur soi est absolument centrale dans la définition du coaching. Alors, il n'y a pas écrit « travail sur soi » explicitement, mais par contre, si vous regardez, qu'est-ce que c'est que le coaching ? C'est défini comme une démarche d'accompagnement, c'est-à-dire en fait, on est dans une posture qui est censée être horizontale avec la personne, qu'on accompagne à effectuer un travail sur elle-même. Et ce travail sur elle-même, vous voyez, il a comme objectif le développement du potentiel. Bon, savoir-faire, ils l'utilisent, mais en général, ils utilisent plutôt savoir-être. Donc ça, c'est plutôt un vieux truc qu'ils ont gardé. Mais la notion centrale, c'est quand même vraiment la question du développement du potentiel. Derrière développement du potentiel, on a très vite l'idée de devenir soi-même. Hein, donc c'est développer son potentiel. On va voir que c'est développer, son talent, ce qui va être vu comme des compétences professionnelles, etc. Mais en fait, l'idée derrière, c'est se développer soi-même. Donc, le coaching comme pratique de travail sur soi pour donc amener des personnes à travailler sur elles-mêmes pour devenir elles-mêmes, d'accord ? Et en revanche, il y a une spécificité importante dans le coaching, c'est que la plupart des prestations, elles sont prescrites, selon le terme utilisé par les acteurs, là aussi, c'est-à-dire en fait fortement recommandées au cadre par un supérieur hiérarchique ou par un gestionnaire des ressources humaines. C'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif vers lequel on se tourne de son propre chef. Hein, donc on ne cherche pas à travailler sur soi-même pour devenir soi-même, de sa propre initiative. On le fait parce que autour de nous, on nous le prescrit, hein, puisque vraiment c'est le terme. Même si ils utilisent plutôt le terme de recommander vivement, etc. Alors, juste une petite image que je vous ai mise pour bien vous montrer. Donc, du coup, ça aboutit à ce qu'ils appellent un contrat tripartite, hein, donc il y a vraiment trois parties. Il y a le coach, alors le dessin est complètement à côté de la réalité puisque les deux tiers des coachs sont des femmes. En revanche, les cheveux blancs, ça marche puisque les deux tiers ont aussi plus de 50-55 ans, donc c'est une population âgée dans le monde du travail, hein, dans la deuxième partie de carrière, etc. Des raccourcis, ouais, c'est ça. Non, je voulais dire deuxième partie de carrière, mais effectivement, j'ai fait un raccourci qui était très malvenu, je vous prie de m'en excuser. Donc voilà, le coaché qui est rebaptisé le champion, puisque il y a évidemment l'emprunt au thème du sport, et les dirigeants qui sont celles et ceux qui prescrivent les coachs. Alors, un tout petit mot sur l'enquête de terrain, juste pour vous expliquer un peu comment j'ai procédé. Donc c'était dans le cadre de ma thèse, donc c'est la deuxième partie des années 2000 en fait, hein, essentiellement. Je vais beaucoup appuyer sur les entretiens que j'ai réalisés avec essentiellement donc des consultants coachs, mais également les deux autres types d'acteurs, hein, les cadres coachés et les gestionnaires des ressources humaines qui prescrivent le coaching. Plusieurs observations dans des formations au coaching notamment, et puis également comme coachée, alors c'est un dispositif un peu particulier, j'ai fait ça avec une coach en formation que j'avais rencontrée dans la formation, et donc sur une année, et c'était beaucoup par téléphone, mais aussi en face à face direct. Voilà, puis des enquêtes quantitatives pour essayer d'objectiver un petit peu ce monde social. Alors, oui, alors, tout de suite, du coup, un dernier point qui est à la fois un point de présentation du coaching et qui va montrer aussi le vif du sujet. Je vous ai dit, le travail sur soi, comme vous l'avez vu, c'est au cœur de la pratique du coaching. C'est également en fait donc au cœur du discours et c'est en lien avec l'origine du coaching qui prend sa source en fait dans les courants de développement personnel. D'accord ? Donc le développement personnel, là je vous ai mis les références hein, sur le développement personnel, à la fois le travail de Valérie Brunel et d'Hélène Stevens sur ce qu'elles définissent donc comme un courant de pensée, mais aussi comme un ensemble de méthodes, hein, de méthodes et de techniques qui visent l'accroissement des facultés psychiques, intellectuelles, relationnel de l'individu et l'épanouissement de soi. Les coachs, ils se forment à des courants de développement personnel, en particulier l'analyse transactionnelle d'Eric Berne et la programmation neurolinguistique dite PNL. Alors pourquoi je vous parle du développement personnel? Pas simplement pour vous parler du coaching, mais c'est surtout pour vous montrer que le discours en termes de devenir soi-même du fait d'un travail, à la suite d'un travail sur soi, c'est absolument central dans les courants du développement personnel qui ont été forgés dans les années 60, notamment en Californie, dans ce qui s'appelait le mouvement du potentiel humain. D'accord ? Et en France, en 1970, vous avez un institut qui se crée qui s'appelle le Centre du développement du potentiel humain, qui importe les techniques depuis les États-Unis, des techniques donc pour développer son potentiel. Hein. Alors finalement ces techniques et ce courant, ce mouvement, il a été décrit par exemple par Françoise Champion dans les termes d'une nébuleuse mystique ésotérique. Pourquoi ? Parce qu'en fait on trouve en effet un mélange de courants qui se réclament de la spiritualité, du New Age hein, parfois, et puis de techniques psychologiques. Comme l'analyse transactionnelle, par exemple. Bon, bien que l'analyse transactionnelle ait été accusée d'avoir un lien avec les courants sectaires, de manière très forte, hein, la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les sectes, a identifié l'analyse transactionnelle comme un des vecteurs des sectes et a introduit le coaching en 2006 dans le viseur, hein, de la vigilance particulière qu'on devait avoir autour des potentielles dérives sectaires. Donc, en gros, hein, ce que François Champion appelle un bricolage psycho-religieux, ce qui me paraît quand même assez intéressant pour rendre compte de cette diversité des techniques, sachant que les coachs, donc ça j'avais vu dans le questionnaire que j'avais fait passer auprès des membres de la Société française de coaching, j'ai posé des questions sur leurs pratiques religieuses, etc. Et donc, ils ne se revendiquent pas, ou en tout cas marginalement d'une religion, en tout cas pas moins, pas plus que la moyenne des Français. Quand ils se revendiquent, c'est quand même la religion catholique, mais bien évidemment, ils vont mettre en avant une démarche spirituelle, la question du développement personnel, etc. Alors, dans le discours du développement personnel, il faut que j'accélère un petit peu, le travail sur soi, c'est l'instrument nécessaire par lequel la personne peut devenir elle-même, et se devenir soi-même, au terme d'un travail, est pensé comme une émancipation du sujet. Alors ça, vous connaissez, c'est la vulgate un peu qu'on a... mais qui est au cœur du développement personnel, donc je voulais la rappeler, c'est-à-dire l'idée de l'émancipation du sujet vis-à-vis des institutions. Les institutions étant vues dans cette lecture comme contraignantes, inhibantes, etc. Et dans ce discours, vous avez une naturalisation forte, puisque bien sûr, est incluse l'idée que l'on devient soi-même, c'est-à-dire en fait un déjà-là, d'accord, qu'il faudrait réaliser, qu'il faudrait un réservoir de potentialité à exprimer. Donc ça correspond aussi à l'aspiration à être reconnu dans son individualité. Donc a priori, hein, ce discours, il se présente bien sûr comme un rebours de l'emprise des institutions, comme une déprise, une émancipation. Alors, bien évidemment, cette grille de lecture, c'est la grille de lecture spontanée des acteurs qui tiennent ce discours. Par rapport aux institutions, il y a une autre grille de lecture, qui est une grille sociologique, qu'on a rappelé ce matin, qui était l'analyse en termes de déclin des institutions, et qui va un peu à l'envers mais qui va à l'envers sur la question des institutions, c'est-à-dire les institutions ne seraient pas très fortes et très puissantes, mais elles seraient en train de décliner. Néanmoins, on arrive un peu à la même idée d'un individu finalement qui serait plus porté par les institutions et qui du coup en arriverait à connaître la fatigue d'être soi, une telle contrainte de chercher en lui-même les propres ressources, d'être en lui-même un leader, de devenir lui-même pour pouvoir habiter les fonctions. Donc, du coup, moi je trouvais intéressant de rappeler en fait c'est un peu ces deux cadres sur les institutions, même si on va voir que, comme tu le disais Yannick ce matin, il y a aussi une forme d'éléments empiriques qui vont aussi dans le sens de l'idée d'un effacement des supports institutionnels, et que du coup sur ce terrain-là on peut regarder ce que ça donne. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est maintenant d'analyser en pratique le cas du coaching pour analyser la place du travail sur soi et ses usages dans les grandes entreprises, puisqu'on va être dans ce monde-là. Donc, quel sens et quelle place occupe le travail sur soi pour les coachs, déjà? Puis, qu'est-ce qui fait que des entreprises recourent à un dispositif de travail sur soi pour certains de leurs cadres supérieurs, et avec quels effets? Alors, plus largement, la question, c'est finalement... que peut-on en retirer pour analyser ce qui apparaît comme une injonction au travail sur soi dans le monde du travail, okay. Quelle est la place des institutions dans ce processus et de quelles institutions parle-t-on? Alors, on n'est pas dans le champ religieux, on est ici dans le champ économique, davantage, mais ça permet, je pense, de voir aussi à quelle transformation institutionnelle, quelle reconfiguration institutionnelle le discours du travail sur soi peut être ajusté. Alors, donc, je vais faire deux parties. Une première partie sur, finalement, le groupe professionnel des coachs et groupe socio-professionnel des coachs et quelle est la place du travail sur soi dans ce groupe. Puis, je m'intéresserai à la pratique des coachs elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elle devient dans les entreprises, en fait? Quel dispositif de travail sur soi ça donne? Alors, donc, je vous l'ai dit, le travail sur soi... il est central chez les coachs, mais je vous ai surtout parlé de leur pratique, en disant finalement dans leur pratique, c'est une pratique de travail sur soi. Je ne vous ai pas dit que, le discours du travail sur soi, il est d'abord utilisé par les coachs pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont tenir un discours de la vocation, d'avoir toujours voulu être coach, etc. Et qui va se décliner en fait de deux manières. D'abord, le mandat du coaching va être axé sur justement l'idée qu'on est là pour développer les autres. Alors ça, c'est très intéressant, quand on regarde finalement ce qui s'est dit plus tôt dans la journée, on va retrouver effectivement cette idée, alors un peu inversée par rapport à ce que tu disais, Gabriel, sur la production de soi par la production, le travail sur les autres, voilà. Mais là, finalement, le coach est présenté comme l'accoucheur des esprits, comme celui qui va aider les autres à devenir eux-mêmes. Et donc là, je vous ai mis une petite citation. Je crois que le fil rouge du coaching pour moi, ça a toujours été mon intérêt pour l'accompagnement, accompagner l'autre, l'aider à dépasser une difficulté ou à grandir. Je l'ai fait avec des enfants, je l'ai fait avec des adultes, dans l'univers professionnel. Alors, je vais en dire ensuite un mot des trajectoires sociales des coachs. Vous allez voir qu'une partie d'entre eux a des trajectoires assez éclectiques. Et lui, par exemple, il a débuté comme enseignant vacataire dans le primaire, puis... il a réussi à, par équivalence, avoir des diplômes en psychologie. Quand il s'est rendu compte qu'il avait par équivalence un diplôme de psychologie, il a tourné le dos à l'éducation nationale, il est parti dans la formation pour adultes et il s'est retrouvé quelques années plus tard coach et consultant en entreprise. Donc finalement, là vous voyez déjà un travail biographique à l'œuvre, puisqu'il reconstruit sa trajectoire en disant mais finalement toutes ces expériences qui peuvent paraître extrêmement différentes, il y a un fil rouge, c'est celui de l'accompagnement, et moi, ma vie, mon mandat, ma vocation, c'est d'accompagner les autres, de les aider à devenir eux-mêmes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils disent, finalement, il a fallu que je fasse un travail sur moi pour devenir moi-même, et devenir moi-même, c'est devenir coach. Voilà, forme de révélation. Donc, le coaching comme réalisation de soi. Et là, je vous ai mis, pareil, un extrait d'une... Alors, l'autre profil, c'est les anciens cadres, vous allez voir. Donc, une ancienne cadre de la finance qui me dit « Et là, une amie vient de faire un bilan de compétences, d'où il sort quelque chose qui fait hurler tout le monde, etc. » C'est que ce sont plutôt les humains qui m'intéressent que les pots de yaourt ou les colonnes de chiffres. Ça fait hurler de rire tout le monde parce que si tu nous l'avais demandé, on te l'aurait dit. Mais je ne pense pas que je les aurais entendues. Alors là, il y a un discours qui est intéressant, c'est aussi le discours de la vocation contrariée. C'est-à-dire, en fait, j'ai toujours été coach, mais on m'en a empêché, on m'a obligé à faire un MBA de finance, on m'a obligé à faire de la finance, etc. Et puis, heureusement, j'ai réussi à me révéler à moi-même. J'ai souligné bilan de compétences pour vous montrer que c'est pas une révélation justement comme ça, hors dispositif. Il y a des dispositifs, bien évidemment, qui vont orienter les personnes vers ce type de discours et ce type d'orientation professionnelle, surtout. Hein. Et puis, je vous resituerai les conditions dans lesquelles elle est devenue coach et bien d'autres, qui sont, hein, pour le dire déjà d'emblée, des ruptures professionnelles assez importantes, hein, voire des ruptures personnelles, maladies, accidents, etc., qui se lient à des ruptures professionnelles. Mais là, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de vous montrer les conditions sociales, c'était plutôt de vous montrer le discours, la centralité de « j'ai travaillé sur moi-même grâce au bilan de compétences, et puis j'ai été révélée à moi-même, et en fait, je suis devenue coach ». La fin de la citation, c'est justement pour dire « je pense que j'étais déjà coach, j'ai toujours été coach, etc. » La vocation contraire. Alors, derrière ces discours, d'accord, sur « je suis devenue moi-même en devenant coach », en fait, il y a bien évidemment des attentes institutionnelles, professionnelles. Donc ça, effectivement, c'est l'analyse par Charpio de la, du discours de la vocation en lien avec l'institution. Et donc, j'ai, bien sûr, on identifie rapidement que le travail sur soi, c'est pas simplement un discours subjectif comme ça qui vole dans les airs, mais qui est rattaché au fait de rentrer dans le métier de coach et qui est en réalité exigé notamment par les associations professionnelles. Si on cherche les institutions dans un premier temps, on va tomber d'abord sur les associations professionnelles de coach. Il y en a un certain nombre, et en fait, elles sont là pour certifier... Je dis juste ça. Elles sont là pour certifier des coachs, et le premier critère pour pouvoir avoir sa carte d'adhérent à l'association, c'est « as-tu fait un travail sur toi-même ?» Donc, on demande ça. Et le travail sur soi, ça peut être une psychothérapie. Pour 80% d'entre eux, dans le questionnaire que j'avais fait passer, c'est une psychothérapie, alors qui a donc été faite avant, pour le coup, hein, pas nécessairement en lien avec le projet de devenir coach. Et ça, c'est encore une autre question. Les autres types de travail sur soi, c'est stage de développement personnel. Et quand on est coach, c'est la supervision, qui joue un rôle un peu différent. Je vais vous expliquer après quel est son rôle. Et la deuxième chose, c'est que non seulement on demande « est-ce que vous avez fait ce travail sur vous-même ?» mais en plus, on cherche à l'évaluer. C'est-à-dire que les associations, quand elles reçoivent les apprentis coachs, elles leur demandent « racontez-vous, racontez-moi comment vous êtes devenu coach, racontez-moi vous en tant que coach. » Et donc, il y a un exercice, et alors ça, Loïc Lepape aussi, l'article m'avait beaucoup intéressé, où il raconte ce récit, cette reconstruction obligatoire du récit de la conversion. Et j'ai tout de suite trouvé que ça fait vraiment du sens avec cette pratique dans le coaching, puisqu'on leur demande exactement la même chose, il faut savoir se raconter. Et dans les entretiens sociologiques, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'en fait, du coup, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, c'est qu'ils savent très bien se raconter, ils reconstruisent leur biographie dans un sens particulier, et ils m'ont expliqué qu'ils l'ont fait d'abord en psychothérapie, ensuite dans les associations, et enfin, et c'est là le plus important, je pense, auprès des entreprises clientes. Parce que, justement, ce n'est pas l'Église catholique, les associations professionnelles de coach. Vous voyez, c'est pas du tout le même type d'institution. Hein. C'est des institutions qui, quand même, tout le monde n'adhère pas à ces associations. Hein, on peut s'en passer, malgré tout. Donc, finalement, leur pouvoir d'emprise sur le groupe est extrêmement faible. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que quand on veut devenir coach, il faut avoir des clients. Et donc, c'est les entreprises clientes qui sont les grands groupes, hein, du CAC 40, et puis, bien sûr, après, ça se décline, grandes entreprises jusqu'au PME, etc. Il faut réussir à se faire recruter comme coach par ces entreprises. Et les entreprises, elles sont confrontées un peu au même problème que les associations. Il y a des formations de coach, mais enfin bon, il y en a plein, etc. Il n'y a pas de qualification, tout ça. Donc, il faut trouver des critères. Donc, elle trouve le critère de « racontez-moi comment vous êtes devenu coach et est-ce que vous faites un travail sur vous-même ? » Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je me suis demandé finalement à quoi ça sert institutionnellement cette question du travail sur soi pour les associations, mais encore plus pour les clients. Alors, je pense qu'on peut dire plusieurs choses. D'abord, on peut dire, alors je ne vais pas mettre en bon ordre, je pense, mais on peut dire s'assurer des risques du recrutement, c'est-à-dire justement, comme c'est évidemment une activité professionnelle non réglementée, avec, comme je vous l'ai dit, les dérives sectaires en arrière-fond, une diversité, une très forte hétérogénéité, il faut s'assurer malgré tout quand même de certains critères de recrutement. Donc, en gros, ce qu'ils cherchent à éliminer, c'est les gens qui, en fait, seraient pour eux à la frontière du pathologique, De l'autre côté, donc, comme je disais, les dérives sectaires. Donc déjà, ça a une fonction de tri dans le recrutement. Cette question de comment on se raconte, est-ce qu'on a les bons codes pour se raconter, est-ce qu'on peut rendre raison d'un parcours hétérogène, est-ce qu'on peut rendre raison de comment on a fait alors qu'on était cadre en entreprise licencié et qu'on se retrouve coach, etc. Et puis il y a deux autres choses. Il y a l'idée de s'assurer de l'engagement des professionnels, la durabilité de l'engagement dans le coaching. Et enfin, le dernier point, et je pense que c'est assez important, c'est s'assurer contre les risques même de la relation d'accompagnement. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, le travail sur soi, c'est à la fois un critère exigé à l'entrée dans le coaching, mais c'est aussi un critère exigé tout au long de la pratique du coaching. Et en fait, ça... Je me suis dit, mais finalement, en fait, les entreprises, en quoi elles ont intérêt à ça ? Ben, elles ont intérêt à ça parce qu'il n'y a pas de dispositif de protection. C'est quand même une relation privilégiée qui s'établit entre le coach et le cadre. Tout le monde a peur de cette relation. C'est-à-dire qu'en gros, les entreprises, elles ont peur d'une collusion entre le coaché et le cadre qui amènerait, par exemple, le coach à aider le cadre à faire un procès à l'entreprise. C'est ça qu'ils craignent, hein, c'est des choses comme ça qu'ils craignent. Et puis, bien évidemment, les cadres, ils ont eux aussi peur du coaching en disant c'est la main armée de l'entreprise, enfin, c'est plutôt l'œil de Moscou qui va aller scruter mon intimité, voire manipuler ma conscience. Donc, il y a des risques, hein, il y a des craintes autour de cette relation. Et finalement, le travail sur soi est vu comme une formation continue, un gage de protection. Et ça m'a vraiment fait penser au texte de Deleuze sur les sociétés de contrôle, puisqu'on est vraiment dans un dispositif de formation continue. Ce n'est pas la qualification qui va protéger, qui va dire c'est bon, une bonne fois pour toutes, vous êtes sûr de cette personne. C'est vraiment ce dispositif qui accompagne. Mais bon, on en reparle. Alors, dernier point que je voulais vous dire sur le groupe socio-professionnel des coachs, c'est la place du travail sur soi. C'est finalement le travail sur soi, et ça je pense c'est plus classique malgré tout, comme valorisation symbolique et économique du parcours, de ce qui est présenté comme un parcours professionnel et personnel. Alors, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que le travail sur soi permet de valoriser des parcours, des parcours professionnels sans qualification ou avec des qualifications jugées inadéquates. Donc, c'est là qu'il faut que je vous présente les deux grands profils, des deux grandes voies d'entrée dans le coaching, puisque malgré l'hétérogénéité, hein, par le quanti et par les analyses qualitatives aussi, enfin le matériau qualitatif, j'ai réussi à distinguer donc deux principales voies d'entrée. Vous avez un premier profil de consultant et de formateur, mais dans lequel il y a aussi des animateurs socioculturels, etc., pour qui le coaching en fait représente dans une trajectoire buissonnante une opportunité professionnelle qui devient une ligne directrice. Hein, c'est-à-dire, voilà, ils ont fait plein d'activités. Et puis, à un moment, ils trouvent coach et ils disent, mais finalement, d'abord, j'ai toujours été coach, et puis je suis coach dans toutes ces activités. Voilà, parce que c'est une posture, c'est cette relation d'accompagnement, c'est amener les gens à travailler sur eux-mêmes, et c'est pas moi qui dois travailler, c'est eux, etc. Et puis le deuxième profil, c'est d'anciens cadres salariés d'entreprises, donc ingénieurs, informaticiens, commerciaux, pour qui le coaching est une reconversion professionnelle après une rupture, licenciement, accident, dans une carrière auparavant, relativement linéaire. Alors, pour les premiers, si vous voulez, pour le premier profil, le travail sur soi, c'est une manière de dire... finalement, on n'a pas nécessairement les bons diplômes parce qu'ils ont un niveau de qualification un peu moins élevé que les cadres, hein, donc ils se positionnent relationnellement par rapport aux cadres dans le groupe, en disant finalement, ils ont souvent été aussi écartés du marché du travail. Il y a beaucoup de femmes, de dirigeants, hein, qui ont été écartées du marché du travail dans un modèle traditionnel où elles ont élevé leurs enfants, ou alors elles ont fait du bénévolat dans les années 70, etc. Et puis le coaching leur permet de revenir sur le marché du travail. Et donc tout le discours du travail sur soi est une manière de donner de la valeur à ce parcours en disant « mais moi j'ai réussi à tirer parti de la richesse de mes expériences ». Et donc ça permet de donner une valeur économique également, hein, à un parcours qui souffrait de certaines faiblesses au regard du marché du travail. Le deuxième profil sur les convertis au coaching, vous voyez là, il y a vraiment une question de... Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais du coaching comme forme de salut. C'est-à-dire, en fait, vraiment, il y a une rupture qui est forte, qui peut, donc, comme je l'ai dit, passer par une maladie, un accident, etc. Donc, il y a tout le rapport au corps, de se dire, j'ai vécu une rupture dans ma carrière professionnelle qui est liée et qui... une rupture de vie. Dans mon corps, c'est le corps qui m'a parlé, hein. Il y a beaucoup de citations là que j'ai pas remises, mais qui disent ça. Et donc le discours du travail sur soi ici, il est d'autant plus fort, bien sûr, qu'il accompagne ce type de reconversion. Et de dire, on a fait un travail sur nous-mêmes, on est des vrais coachs comme les autres. Et ce travail sur soi, ah oui, le dernier point, c'est que, en fait, ça permet pour eux de dire, on n'a pas fait d'études de psycho, mais on a fait un travail sur nous-mêmes. Et ça, du coup, c'est un équivalent de qualification. Alors, je vois qu'il est un peu tard, parce que je voulais juste faire un petit point pour dire, de conclure un peu cette première partie, pour dire finalement, quand on regarde les conditions sociales d'orientation vers le coaching, c'est un révélateur de transformation institutionnelle. Alors, toujours, j'ai essayé de regarder un peu finalement les institutions qui prédisposent à tenir ce discours de travail sur soi. Bon, j'ai été un peu vite sur les profils, mais finalement, il me semble qu'il y a deux choses qu'on peut identifier. D'abord, des transformations de la structure sociale. Alors ça, j'ai beaucoup vu ça sur les introducteurs du coaching en France, qui, dans les années 70, en fait, se heurtent à une structure sociale qu'ils estiment bloquée par des qualifications qu'il faut obtenir pour avoir certains métiers, etc. Et qui vont se tourner vers ce que Bourdieu appelait les nouveaux métiers, les professions floues, les métiers de la culture, où les postes s'obtiennent davantage par relation que par qualification. Ça, c'est un trait très commun au premier groupe hétérogène des coachs. Et je trouve que c'est intéressant de voir que les transformations de la structure sociale qui font qu'il y a une augmentation de ce type de métier, de ce type d'activité, où on peut contourner les qualifications. Le coaching, c'est un contournement des qualifications, parce que quand on est psychologue, qu'on a un master 2 de psychologie, on trouve moins de clients que quand on est coach et qu'on a fait une formation de 6 mois aux États-Unis, ou de 2 semaines aux États-Unis, ou de 6 mois dans une université, dans un DU français. Donc, pour exercer en tant que coach. Non. Pas le même métier, mais néanmoins, il y a des psychologues qui peuvent proposer de l'accompagnement, tu vois, individuel en entreprise, et là-dessus, ils vont se faire doubler par les coachs, très clairement. Donc, ce que je voulais identifier ici, en fait, c'est qu'il y a une transformation de la structure sociale qui fait qu'on voit quelle tranche de la bourgeoisie, finalement, va être réceptive à ce type de discours en termes de travail sur soi. Voilà, c'est le premier point que je voulais dire. Et puis, le deuxième point, en sociologie du travail, c'est plus classique, mais c'est important de rappeler ça, c'est que c'est les transformations du travail et de l'emploi, évidemment, qui prédisposent au discours en termes de travail sur soi et d'accompagnement, puisque c'est toute la thématique de l'activation, c'est-à-dire une augmentation du chômage et les pouvoirs publics qui, par un ensemble de dispositifs, comme les bilans de compétences, vont orienter les individus vers l'indépendance, notamment, d'accord, sortie donc du salariat. Je vais très vite, mais bon, je pourrais y revenir si éventuellement vous avez des questions. Alors, du coup, ce que je voulais dire, in fine, c'est qu'il me semblait que les institutions autour du travail sur soi dans le coaching, voilà, c'était ces institutions-là dans le champ économique et qu'elles me paraissaient être un facteur explicatif important. Alors, la deuxième partie, bon, je ne sais pas si c'était une bonne idée quand même de vouloir faire les deux parties, mais parce que j'aurais peut-être bâclé un peu tout, je ne sais pas, vous me direz. La deuxième partie, c'est malgré tout de dire, maintenant je laisse le groupe socio-professionnel des coachs et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est cette pratique de travail sur soi. Un peu ouvrir la boîte noire, qu'est-ce qu'ils font concrètement quand ils font travailler sur eux-mêmes les cadres. Avec quelles perspectives, avec quels outils et dans quel but. Alors, je laisse tomber les sous-titres pour l'instant. Alors, moi, dans mon travail, j'ai identifié, en fait, si vous voulez, trois grands enjeux principaux des usages du coaching dans les organisations. Le coaching, en gros, on y recourt pour des questions de relations de travail. On y recourt également pour des questions de temporalité, c'est-à-dire gestion du temps, voyez, les stages de gestion du temps, etc. Et puis le troisième thème, c'est les carrières. Et les carrières, en général, il est un peu caché. Alors, je ne peux pas vous parler de tout aujourd'hui, évidemment. Donc, j'ai choisi de vous parler des relations de travail pour deux raisons. D'abord, j'ai publié déjà sur les deux derniers points. Donc, bon, on trouve malgré tout ces articles. Pas du tout sur le premier. Donc, je trouve que c'est sans doute plus intéressant de présenter ça. Et puis, le premier, c'est ce qui est majeur aussi dans le coaching. C'est-à-dire que la majorité des cas, c'est des cas qui traitent des relations de travail. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi, les relations de travail ? Alors, les relations de travail, évidemment, c'est les relations qu'une personne, donc un cadre dans une entreprise, va avoir dans le cadre de son travail, donc avec sa hiérarchie, ce qu'ils appellent ses collaborateurs, hein, donc les subordonnés, les pairs, Et puis ça peut aller jusqu'aux relations avec les professionnels à l'extérieur de l'entreprise, les fournisseurs, les prestataires, etc. Tous les gens avec qui ils sont en relation. Le prisme du coaching, c'est déjà de regarder dans l'activité de travail du cadre les relations. Qui sont alors présentées de deux manières. Je vous ai mis un petit florilège de littérature managériale pour vous dire, vous savez sans doute, hein, que la manière dont les individus se comportent au travail est aujourd'hui théorisée sous forme de compétences relationnelles, compétences relationnelles, compétences émotionnelles. Et donc, ce qu'on apprend en coaching, hein, ce que les entreprises cherchent à promouvoir via le coaching, c'est à développer ce savoir-être, à développer ce qui est appelé des compétences relationnelles. Je passe un peu vite. Alors, il se centre là-dedans, une fois qu'on a dit ça, sur quoi ? En fait, là, je vous ai cité un exemple du « que sais-je » sur le coaching, Angèle et Amar, qui disent « il faut s'intéresser aux problèmes de comportement, de personnalité, de communication ou de conflits intérieurs mal résolus ». Donc, vous voyez ici que le prisme, il est l'interpersonnel, le psychologique, les jeux psychologiques, donc l'individu dans ses jeux psychologiques avec les autres. Qu'est-ce qui est euphémisé ? Qu'est-ce qui est occulté plus exactement ? L'activité de travail dans sa dimension productive technique et bien sûr les rapports de pouvoir qui sont euphémisés comme un rapport à l'autorité. Voilà. Alors, en fait, je vous passe toutes les histoires de psychologisation et de pacification parce que vous les connaissez un peu, mais enfin, je vais revenir surtout un peu en conclusion. Peut-être juste un mot, en fait, pourquoi je vous avais mis ça ? Parce que pour dire que... juste un mot quand même. Pour dire que, en fait... Comment j'ai analysé ce dispositif ? Je me suis intéressée à la problématique sociologique de la psychologisation des rapports sociaux, hein, qui a été bien théorisée par Robert Castel, et dont vous voyez qu'elle a essaimé, alors en particulier dans les travaux sur le travail social, mais également donc avec le coaching sur l'entreprise. Alors, bien évidemment, puisque le dispositif, vous voyez, c'est un dispositif qui est psychologisant, par essence. Hein, le travail sur soi, il est de cette nature-là. Pourquoi j'ai ajouté la question de la pacification. Donc, je vous livre un peu mes conclusions avant les exemples, mais je pense que ce sera pas mal finalement pour qu'on puisse avancer plus vite sur les exemples. En fait, le coaching, quand on regarde ce qu'ils font, les coachs, ils vont travailler sur des situations de manière à amener le cadre à faire baisser les conflits, à diminuer les émotions qui sont jugées violentes, agressives, à essayer de prévenir toute situation conflictuelle. Donc là, également, l'analyse en termes de pacification de la société, de processus de civilisation, d'autocontrôle, donc à la Elias, m'a beaucoup intéressée. Et puis, ce qui m'a intéressée chez un sociologue du travail comme Nicolas Daudier, c'est qu'il a montré que dans le travail, dans les organisations de travail, il y avait la diffusion de ce qu'il appelle une attitude fonctionnelle qui se substitue de plus en plus à l'attitude accusatoire. Alors c'est quoi ? C'est quand dans le travail, vous faites une erreur, au lieu de vous taper sur les doigts et de vous sanctionner et de vous stigmatiser, on dit « Ok, on va faire un arbre des causes, on va chercher les dysfonctionnements, on va chercher les... » C'est pas ta faute, mais on va essayer d'identifier les erreurs. Alors, c'est pas pour dire, bien sûr, que la logique accusatoire a disparu, parce que sinon, on le saurait, mais c'est pour dire que néanmoins, les organisations professionnelles et productives essaient d'encourager par un ensemble de dispositifs, des discours, mais aussi des dispositifs, dont coaching est un dispositif, c'est pas simplement un stage de formation, c'est vraiment un dispositif ajusté, une pratique très individualisée, pour essayer d'inculquer ça aux individus. Et le but, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un but général de pacification. Je vais y revenir parce que ça va un peu vite. Mais... Alors, je vais vous montrer quelques exemples qui sont aussi des déclinaisons où vous allez voir la pratique du travail sur soi, hein, comment on travaille sur soi et qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi. Alors, le premier point, c'est la discipline du langage et de la présentation de soi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les coachs, quand ils travaillent avec des cadres, une des choses centrales sur lesquelles ils vont travailler, c'est qu'est-ce que dit le cadre, quels sont les termes qu'il emploie, comment il se comporte dans l'interaction verbale, etc. Un exemple, hein, cette DRH qui me dit « j'ai appris à employer plus de questions ouvertes ». Donc j'apprends à reformuler, à laisser l'autre s'exprimer, plutôt que de couper court pour gagner du temps. Qui lui est très utile dans les comités d'entreprise avec des organisations syndicales, par exemple. Bon. Donc elle m'explique ça et elle m'explique qu'elle a même un moyen mnémotechnique. Elle a une grande feuille blanche sur laquelle elle a écrit un point d'interrogation qu'elle glisse dans ses papiers, ce qu'elle m'explique qu'elle fait, pas simplement ce que le coach lui a dit de faire, mais ce qu'elle fait pour se rappeler. Voilà. D'autres me racontent, j'ai appris à avoir plus de rondeur dans les relations sociales, à mettre la main sur l'épaule ou à me promener au fond du couloir pour aller voir les gens que je ne vois jamais. Voilà, des techniques comme ça. Donc deux disciplines du langage, deux présentations de soi. Par exemple, tous les trucs de communication non violente, on ne communique pas par écrit, on ne communique pas négativement par écrit, des trucs comme ça. Et en fait, ça, les cadres m'ont dit qu'ils l'utilisaient, qu'ils se forçaient à l'utiliser et que voilà, ça avait un certain effet. Alors, comment dire ? Ça, c'est lié finalement en sociologie du travail, on peut le rapprocher de toute la tertiarisation du travail, c'est-à-dire les transformations du travail, où les rapports, en effet, de communication sont plus importants, la circulation de l'information est un enjeu, et du coup, ce que je commençais à dire sur l'attitude fonctionnelle, on demande aux cadres de ne pas se présenter comme des chefs, c'est-à-dire une hiérarchie statutaire. Je suis le chef parce que c'est mon statut, mais une hiérarchie d'animation, c'est-à-dire je suis dans cette fonction de coordination et c'est moi qui suis au-dessus parce que je rassemble les points de vue différents. Voilà. On essaie de les amener à ça. Donc vous voyez que ces dispositifs de communication, ils visent ça, ils visent cette circulation de l'information plus importante. Alors néanmoins, on ne va pas s'arrêter là en termes d'analyse, parce que bien évidemment, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que, bien souvent, les gens qu'on coache, parce que pour l'instant, je ne vous ai pas trop dit qui on coachait précisément. Les gens qu'on coach, on se rend compte que c'est des gens qui sont à des fonctions conflictuelles. Le poste est conflictuel par nature. Juste un exemple, des gens qui sont dans le service du risque, dans une banque, et qui donc sont considérés comme les censeurs du commerce. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les contrats commerciaux, puis ils disent « non, celui-là, il dégage parce qu'il fait prendre trop de risques à la banque ». Donc ils sont dans un poste qui est conflictuel par la nature du travail et par la nature de l'organisation du travail. Mais qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit pas ça. On leur dit « toi, tu manques de quotient émotionnel ». Et eux-mêmes me disent ça, ce qui est énorme. C'est qu'ils me racontent en disant « moi, je suis ingénieur, blabla, et j'ai un très bon QI, mais par contre, j'ai pas un très bon QE ». Voilà. Bon, c'est ce truc, voilà. Et ils expliquent. Et c'est intéressant parce que, en même temps, c'est les mêmes qui m'expliquent l'histoire du travail. Donc, ils sont en même temps pas dupes. Mais les deux discours se mélangent. Et ils sont quand même contents. Ils disent, ma femme, elle est super contente que j'ai fait le coaching parce qu'elle trouve que je suis beaucoup plus sympa, beaucoup plus rond, beaucoup plus ouvert, etc., etc. Donc, voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est justement que fait l'institution. Elle se débarrasse du problème. Elle reporte la responsabilité de l'organisation sur l'individu en psychologisant et en individualisant la situation et en disant finalement allez faire une formation parce que moi je vais pas changer mon organisation du travail. Voilà. Donc ça c'est un point absolument central. Alors comme Martial m'a dit qu'il me restait moins de 5 minutes, je vais pas pouvoir expliquer en détail autant tous les points. Mais déjà voilà, au moins ce premier. Alors peut-être, bon je vais passer sur le deuxième, peut-être celui-là je vais vous l'expliquer aussi parce que je trouve quand même que c'est assez important. Donc ça, je vais rentrer dans le cas tout de suite pour que vous voyez. Un cadre dirigeant dans une grande banque. Quand je dis cadre dirigeant, c'est qu'on est sur les 200 plus hauts postes dans une banque de 100 000 salariés. Voilà, vous voyez où on se situe dans l'organisation. Ce cadre dirigeant, on lui prescrit un coaching. Et on lui prescrit un coaching au motif qu'il s'engueule tout le temps avec sa hiérarchie. Et donc il me dit « je suis une grande gueule », enfin voilà, il récupère le stigmate. Et puis, il me dit, en fait, le coach essaie de comprendre ce qui me met en colère. Pourquoi je me mets en colère après la hiérarchie ? Et le cadre explique, c'est parce qu'en fait, il y a plein de dysfonctionnements tout le temps, dans le travail, dans l'entreprise, etc. Et moi, ça me tient à cœur, donc je l'ai fait remonter, voilà, pour que l'organisation s'améliore. Et voilà ce que le coach lui dit. Donc, pour l'amener, vous voyez, vous allez voir, à une forme de prise de conscience et à changer son attitude. Et le coach me dit... « Mais Guillaume, est-ce que vous êtes le président de la banque ?» Alors je le regarde, je me dis non, je ne suis pas le président de la banque. Il me dit « Attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous êtes le président de la banque ?» Il me le fait le coup 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, je lui dis « Bon d'accord, je ne suis pas le président de la banque, mais quand même, je suis cadre dirigeant. » Et là, ça tombe et il me dit « En fait, une fois que j'ai pris conscience de ça, qu'effectivement je me prenais quand même un peu pour le président de la banque et que... » Quand on est, en tout cas plus exactement, quand on est cadre dirigeant, en fait on est un rouage peut-être pas comme les autres, mais on est quand même dans une organisation hiérarchisée, avec des territoires, etc. Et que du coup, on ne s'amuse pas à prendre la parole comme ça. Et ce cas-là, si vous voulez, pour moi, était intéressant parce que, là, je vous donne un exemple, mais j'en ai vu d'autres, et au-delà de moi, la sociologie des cadres rapporte plein d'exemples de cadres qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils sont placardisés alors qu'ils étaient montés très haut dans la hiérarchie. Ils ont pris des initiatives, ils ont proposé des bonnes idées, etc. Et paf, ils sont placardisés. Ils ne comprennent pas très bien pourquoi. Et là, finalement, là, je vais droit à l'interprétation finale, c'est que le coaching, finalement, c'est très intéressant parce que c'est un dispositif très paradoxal, puisque c'est un dispositif qui est censé être emblématique du néo-management, c'est-à-dire appel à la créativité des individus, exprimez-vous, tout ce que je vous ai raconté au début, développez-vous pour devenir vous-même, etc., etc. Et puis, finalement, dans les organisations, vous vous rendez compte que le dispositif, il est utilisé pour rappeler à l'ordre, hiérarchiquement, pour dire, voilà, alors, rappeler à l'ordre par le travail sur soi. C'est-à-dire, on ne va pas lui convoquer pour lui dire hey, « tu te rappelles quand même que tu n'es pas le boss », mais on va l'amener à comprendre ça. Voilà, bon. Je vois qu'il faut que j'arrête. Mais du coup, c'est un peu frustrant hein, sur ce point, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon. J'ai encore deux autres points. Le dernier, c'est juste un autre exemple, mais qui va encore plus loin, puisqu'en fait, c'est un cas où carrément, on considère que s'il est en conflit avec la hiérarchie, c'est parce qu'il a des conflits intérieurs. Hérités de quoi ? De, en fait, le contraste entre sa famille d'origine, son milieu social d'origine, et la hiérarchie. C'est-à-dire que l'exemple en cours, c'est l'exemple, soi-disant, d'un fils d'ouvrier devenu cadre. Je dis soi-disant parce que c'est compliqué, c'est la coach qui me l'a raconté, donc là pour le coup j'ai. Mais elle le raconte comme ça, et elle explique voilà, il voulait tuer le père, voilà, il tuait le père en devenant dirigeant, voilà, en devenant dirigeant, il tuait le père, mais finalement, bien sûr, il se retrouvait à la place de ce que son père n'avait cessé de combattre. C'est-à-dire qu'on lui demandait d'être à la fois un dirigeant et en même temps de ne pas être un dirigeant, finalement. Voilà. Et donc finalement, le coaching. Et l'a amenée, elle est extrêmement fière de cette histoire, qu'elle me raconte comme une belle histoire, une success story, en me disant, de plus en plus, il a pris des responsabilités dans cette entreprise parce qu'il s'est apaisé. Il a réussi à dénouer les conflits intérieurs. Donc si vous voulez, là, l'interprétation que je fais, c'est en termes de le coaching comme dispositif pour atténuer la rébellion des cadres. Et là, je conclue vraiment, Martial. Je conclue vraiment pour dire que en fait, finalement, moi, dans ce travail sur soi, hein, qu'est-ce que je vois ? Je vois un renforcement de l'autocontrôle. Bon, ça, voilà, c'est des choses éliassiennes. Et puis, cette notion d'hygiène psychique que j'ai proposée dans ma thèse, pour dire, finalement, hygiène psychique, ça révèle qu'il y a une norme d'attention accrue à la subjectivité et au comportement en public. Et puis, l'hygiène psychique, c'est aussi ce travail réflexif de traitement des situations qu'on demande, alors là, à cette catégorie de cadres supérieurs dans les grandes entreprises, d'assumer, donc c'est quand même la boîte qui le peine, hein, mais on leur demande d'assumer ce travail réflexif de façon à traiter les émotions liées au travail. Et je vous donne juste cette citation que je trouve quand même vraiment très drôle, d'une coach en fait qui dit « Surtout pas de pensée positive. » Ah non, non. Je parle d'une hygiène de l'esprit. De même que nous pratiquons l'hygiène corporelle, je pense qu'il est urgent d'apprendre à prendre soin chaque jour de son état d'esprit. Alors, dernier point, quelle est la fonction finalement hein, de ce dispositif ? Donc, j'ai parlé d'une double fonction productive et politique. Productive pourquoi ? Parce que, là j'ai parlé très très vite de ça, mais c'est adapté finalement aux transformations du travail, c'est-à-dire qu'il y a des transformations du travail, des épreuves du travail, et que du coup c'est un dispositif qui tente de répondre à ces épreuves en équipant les cadres individuellement, et politique, parce que bien évidemment, quel est l'effet en termes d'institution ? C'est ce que j'ai appelé la fonction palliative, c'est-à-dire ce fameux report de la responsabilité sur de l'organisation sur l'individu, avec du coup l'idée que c'est ainsi qu'on va pouvoir lutter contre la fatigue des élites, la rébellion des cadres, la défection, voire l'apathie, qui a été, comme vous le voyez, beaucoup alimentée par la littérature sociologique. Bon, voilà.